Bonjour. Je suis comme le plus grand nombre, à l'isolement, et je pense à ceux qui le sont trop, dans des conditions d'extrême solitude, sans voir les leurs. Je pense à ceux qui se doivent à leur discipline, au quotidien, des femmes et des hommes hors profit, cette notion malmenée, le profit. Le seul vrai profit ne se mesurant pas autrement qu'en gestes et en comportements d'humanité. La librairie Histoire de l'œil de Marseille m'a demandé un temps de partage, à quoi je réponds volontiers. Il s'agirait dans ces moments de vécu inédit à notre génération et à celle de nos pères, de lire, depuis chez moi, des passages d'un texte récent que j'aurais préféré lire avec vous en direct à la librairie Histoire de l'œil. Il s'agit d'un livre paru récemment aux éditions Verdier et dont le titre est « Intervalle de Loire ». Je me défends d'en faire la promotion en ces temps, ce serait indécent. Que cette lecture soit plutôt un échange, une façon d'être ensemble. Je vais m'y prêter, quoique je ne sois pas le meilleur lecteur de moi-même. J'aimerais avant tout vous faire profiter d'une musique choisie, parce qu'elle est allègre, heureuse et qu'elle ne dure pas. Ce sont 2 minutes 49 secondes d'un trio toulousain, guitare, tuba et accordéon, Amestoy Trio, 2003, et l'air s'appelle « Soir de Paris ». Je vous dis à tout de suite. Amestoy Trio. Je donne à la librairie Histoire de l'œil les références les plus complètes de cet enregistrement. Intervalle de Loire regarde un voyage accompli voici 8 ans, en barque, à la rame, depuis Andrézieux à hauteur de Saint-Étienne jusqu'à l'embouchure, c'est-à-dire la mer. 3 camarades sans jamais s'arrêter à l'hôtel ou dans des campings, seulement dans les îles de Loire. Ce n'est pas un journal de voyage, surtout pas. Le texte serait plutôt anticulturel et antisportif. Il n'a rien de factuel. De ces 850 km aux avirons, il s'agissait absolument de traduire des impressions visuelles, sonores, olfactives et physiques. Le livre a un début, un départ. Il a une fin, la venue à l'océan lorsque le fleuve fréquenté durant 26 jours nous laissa à une géographie maritime. Entre les deux, tout est en désordre. Les villes, les étapes, les paysages. Il n'y a que des évocations, de courtes séquences de 3 ou 4 pages, sans chronologie linéaire, seulement une reconstitution sensuelle de l'idée d'un voyage. J'en termine avant de lire les 3 extraits que m'a demandé Emmanuel de la librairie Histoire de l'œil. Ceci concerne les 3 positions que nous occupons dans une barque. La place d'avant, dévouée à celui qui regarde la progression fluviale et en prévient les anicroches. La place d'arrière, à qui revient de tenir la direction. Enfin, la position du rameur, le reforçat, les tours de rôle étant d'une heure. Une chose dans ces semaines d'isolement. Descendre tout un fleuve serait l'inverse de l'expérience d'un confinement. Et toutefois, 26 jours et nuits sans croiser quiconque, à 3 dans 4 mètres carrés, sur un fleuve, nous y ramènerait autrement. Ce serait une liberté écrouée à plein consentement. Alors acceptons ces temps d'enfermement qui sont les nôtres, faisons-en s'il se peut une manière de liberté passagère dont nous sortirons, je l'espère, mieux avisés. Les 3 passages choisis par Emmanuel de la librairie Histoire de l'œil sont précédés d'une autre ritournelle d'Amestoy Trio. Elle s'appelle « La petite valse de derrière les fagots ». Elle a le rythme d'une barque, elle en aurait l'innocence, la fraîcheur. Tout ceci est donné depuis mon portable, aussi pardonné et le son et la diction. Je vous dis à bientôt. Sont d'une heure, montre en main, à la minute près. 3 places à bord, le banc avant, A, celui du milieu où sont les avirons, B, et la poupe, C. Que l'on soit assis sur l'un ou sur l'autre, les fesses nous cuisent. Il n'y aura pas assez de jours à notre voyage pour que leur cuir en fût tanné. Si souvent, le nez dans le décor, il m'arriva de penser à une chaise, n'importe laquelle, une valeur. C'est subtil, une chaise. Au banc A, il n'y a pas de place. Les genoux vont cogner sur le coffre de proue. L'étroitesse ne permet d'asseoir que 2/3 du postérieur. Le reste du fessier vadrouille à la section du vide. Les fourmis innervent les tibias. On y est sans doute plus mal campé que dans les fillettes de Louis XI. Le banc d'avant est étrangement claustrophobique. Son occupant a devant lui le paysage ouvert comme un jeu de cartes, quand son corps est plié, contraint, ratatiné au pan coupé du coffre. Et mieux, les parois d'aluminium exposées tout le jour au rayonnement sont des plaques chauffantes, comme poussées à blanc. Si la carène est fraîche au contact de l'eau, tout ce qui s'en éloigne, le banc, la filière, le coffre, est chargé de haute température et au moindre mouvement, lorsque le plaisancier de proue se risque à soulager son ankylose, il se voit gratifié d'une caustique brûlure. Le banc A est toutefois la place de repos, celle qu'on mérite, celle qu'on touche après avoir donné son heure de rame. En s'installant à l'avant, la première chose est de boire, reboire à tête renversée, d'enlever ses mitaines, puis fumer, dans cet ordre. Chaque fois, après son quart, il faut ravoir ses mains. La crispation sur le calibre des rames influe longtemps jusqu'au poignet. Il faut rendre souplesse à la voilure des phalanges, jusqu'au complet redéploiement digital. Les mitaines, elles-mêmes, gardent l'empreinte des manchons. Elles ont la forme d'une crevette cuite. Les doigts gourds sont restés toute une heure moulés aux avirons. Ils en ont le pli. Les paumes s'en ressentent. Plusieurs minutes ne suffisent pas à ce que la main se dévoile. Elle refuse de s'ouvrir. Cela se fait progressivement, puis on regarde dedans, on s'observe les durillons en ligne d'oignon, aux articulations. Les plus mauvais sont à l'auriculaire. Pour désagréable qu'elle soit, c'est vrai de tout bobo, de toute blessure ou d'un bouton découvert sur son corps, ces ampoules à la paume donnent au premier coup d'œil l'étrange sentiment d'une possession complaisante, d'un quant à soi. Le passage des rames au banc A marque l'instant auquel l'esprit n'a plus tout son bon sens. Nous venons de rendre l'effort d'une heure entière. Nous ne ramerons pas la suivante, ni celle d'après. Si bien qu'un coin de notre tête prête au temps une valeur qu'il n'a pas, démesurée, d'une naïve certitude élastique. Pour 2 heures, je ne ramerai pas, c'est-à-dire, d'une certaine façon, je n'aurai plus à tirer l'aviron, aux autres à présent. J'en suis libéré et pour jamais, avant que mon tour ne revienne. Nous aurons traversé Orléans, Tours et Nantes avant mon prochain quart. Et pourtant, comme ces heures s'écoulent, à quelle vitesse, flouante. Déjà la première se termine. On ne l'a pas vu passer, quelque chose se rapproche. Il faut rendre aux rameurs la place avant, échanger les bancs, rejoindre la poupe et, à l'instant de permuter, on enjambe la bancelle du milieu, celle de bientôt, quand il vous reviendra de souquer, celle de tout à l'heure déjà. La rotation suivante file avec une indécence de délai, une escroquerie de la durée. La montre se précipite, son cadran vous accuse à la minute, c'est à vous de reprendre les avirons pour 1 heure. Ainsi, le rameur est passé à l'avant, gros d'une éternité, de son futur personnel. Un peu d'un bidas saluant la chambrée au moment d'une permission, un peu d'un prisonnier ouvrant son colis devant les autres. Après la gourde, le dépliement des doigts, par priorité, il regarde. Il se met à le faire, et cette fois dans le bon sens, car, 1 heure durant, il a vu à l'envers, toutes les choses en marche arrière. Autant les mains reviennent à elles, autant il lui faut se remettre des blocs de paysage en face des trous. Il a vu à reculons, mais plus encore, pendant son heure, dos à l'aval, sans bien comprendre. Il a entendu ses comparses commenter un décor dans le bon sens, selon une logique panoramique qui n'était pas la sienne. Une objectivité de perspective partagée par 2 interprètes, ses amis, eux au recto, en phase, lui dans une espèce de verso oculaire. Ce qui fut dit pendant 1 heure, ne correspondait pas à ce qu'il avait sous le regard. Quitter le banc de rame pour celui d'avant reviendrait presque à sauter un bandeau des yeux. Les premières minutes agissent comme un caisson de décompression. Celui qui rejoint la place avant laisse la bonne optique revenir à sa rétine. Il réemboîte les arbres, le milieu, un sens de défilement, la juste perspective linéaire. Non pas qu'il eût été hors équipage durant son quart, mais en position visuelle minoritaire, alors qu'entre eux, les autres paraphrasaient un paysage en tout point éloigné de ce que lui comprenait au même instant. Il regarde large, glouton, sans reprendre sa respiration, à s'abrutir de la bonne direction. Et bientôt, il regarde précis, car le banc d'avant n'est pas celui des nonchalances. Cette place d'aide est sans doute la pire. Par-dessus les genoux, il a le gros volume du navigator. Pour 1 heure complète, c'est à lui de tenir le registre, les pages, de les tourner, de suivre les cases sans en perdre une, savoir où l'on en est du livre d'heures. À lui d'accréditer le réel vers lequel on va. Et puis, il lui revient d'anticiper, de juger s'il faut passer à droite ou à gauche de cette île, d'annoncer les distances, de repérer le débit opportun et les passes engourdies. Son œil se doit de ne rien perdre du courant, lequel ne tient pas en place. Il va devant pour sûr, mais il a encore cette manie de couper la route, d'aller d'un bord à l'autre, de faire comme au billard, des bandes. Au gars d'avant d'épier la surface, à tout moment, de pénétrer l'eau afin de prévenir la montée d'un haut fond. Et sa venue surprend. Soudain, l'opacité passe à la transparence. Le relief se révèle, un substrat de gravier émerge du fond alors qu'il est trop tard. Au moindre risée, son regard se porte sur les feuillages, rive gauche, rive droite, à leur manière de tremblement, à lui de décider ou non d'une traversée. Il s'est payé du panorama pendant tout son tour d'exercice, à l'envers, le voici vigie. À lui maintenant de voir deux fois. Il doit voir deux fois, sans faute, et cette carte de la Loire ouverte entre ses jambes, et la correspondance de l'immédiat, interpréter à la seconde une compréhension abstraite des lieux et réagir au méandre, tout un strabisme. Pire à son rôle, ce qu'aucune carte ne saurait prévenir à la coque. Chacun des autres attend qu'il avertisse des blocs insidieux, annonce l'obstacle comme il vient, devant, un tronc coulé, un étoc affleurant, voire non plus deux fois, mais au cube. La carte, le cheminement et le détail en effet. L'œil triple, à devenir fou. Une démultiplication de vigilance. Le banc de repos, le banc du borgne en vérité. Celui de l'hypermétrope et du myope à la fois. Il n'avait rien d'enviable. On l'abandonne volontiers quand l'heure s'achève. On veut celui d'après, en queue d'embarcation. Une promotion. Et pourtant, cet avancement à regret qui vous rapproche du prochain tour de rame. En tout cas, ne plus vouloir tenir cette position au poste avancé, en tête de batellerie, la berlue au droit du cabotage. Banc C, le barreur. L'heure a pris fin, nous inversons les places. La vigie rejoint la poupe. C'est dit, le banc arrière marque l'instant où reviendra son tour de rame, banc du décompte horaire sur lequel vont plus vite les minutes, semble-t-il. Il est joli, carré, large, en bois verni, et non plus cet aluminium zébré de reliefs antidérapants sous l'épiderme. Des trois, il serait le plus confortable, quoique sa profondeur gâche tout. En appliquant ses reins au dossier, quelque chose ne va pas. Les pieds ne touchent plus rien, la bordure antérieure de la planche rentre dans les jarrets, sciée. Des trois sièges, c'est celui sur lequel on se tortille le plus, à la recherche d'une position acceptable. Bande d'insomniaque, décevant. Toujours ce dos qui voudrait reposer, ratant son cou. On s'y sent assis plus provisoirement qu'ailleurs. Autre chose s'en mêle, c'est un poste clé. Celui où on doit maintenir la direction d'ensemble, barré. Or, barré revient à tenir d'un bras le troisième aviron dans une espèce d'orthogonale biaisée, constante, la pale immergée à la perpendiculaire de la Loire. Une heure durant, un seul poignet devra corriger tout le débit du fleuve. Une partie de bras de fer, 1000 kilomètres contre une seule main. Le fleuve pousse. Il se joue de cette girouette de bois tenue à bout de bras, comme si l'eau en fin de course nous en voulait d'avoir été dépassée par une coquille de noix, vexée. Le rameur tire sur les avirons quand le barreur soutire à l'eau le reste d'un passage. Il règle les impayés de la Loire. Très vite, il se prend à regretter le banc A. La barre serait la mauvaise place, la plus âpre, celle où l'on attend de vous une sorte de muscularité intellectuelle. Le candidat de proue égrène des ordres courts. Un poil à gauche, redresse, gauche toute. Et la main doit répondre comme elle peut, à l'autre bout, avec un minimum de décalage, sans se tromper de mouvement. On attend d'une seule poigne qu'elle fasse deux choses à la fois, comprendre et s'employer. Pour ce qui est de comprendre, dans les moments calmes, barrant à blanc durant des heures, je révisais mentalement l'instruction comme un gaucher contrarié, car il faut obéir à l'envers. Si l'on dit droite, la main doit réagir à gauche, en miroir. L'air de Broca s'affole pendant un dixième de seconde dans une espèce de dyslexie ligérienne. Au parage de Cosne-sur-Loire, après 300 km de voyage, j'étais encore à revoir la leçon en moi-même, gauche pour droite. Redresser ce trouble directionnel, habituer mon bras à des automatismes inversés. À l'avant, le passager du banc A éponge son heure. Il s'est massé les mains, il a bu, il a pour lui toute la puissance du verbe, il envoie des ordres. L'un d'eux vient de tomber, 20 mètres avant un obstacle qu'on ne saurait voir depuis le banc de poupe. 20 mètres, ce n'est pas beaucoup, et l'immédiate compréhension que le barreur doit en tirer donne le sentiment qu'un monde le sépare de la vigie, qu'une langue l'en éloigne. On dirait deux types, l'un maître de la parole, l'autre en apprentissage du langage des sourds, répondant par des gestes du bras. Le banc C est de haute psychologie. Le barreur doit déceler toutes les nuances d'intonation venues de l'avant, le bon degré de l'accent, savoir si le redressement doit être franc, brusque ou plus léger, comme si, sous l'eau, l'angle exact de la pale dépendait des gradations vocales émises par le passager de proue. Je ne me suis pas trompé, on m'a dit droite et j'envoie la barre à gauche, seulement je le fais trop, dans un surmouvement. Je me reprends, je corrige, je ravale le geste, mais en contre-ordre est donné de l'avant, tout s'en mêle, je me reprends en moulinets infructueux, la barre se dégage de sa loge, plus rien ne la tient, elle pèse au bras, inutile, un poids mort dans le vide. Trop tard. Le temps de la replacer dans la dame de nage, et le nez de la barque va buter sur un banc sablonneux. Enlisement. Comme en manière d'excuse, celui du banc arrière est le premier à se mouiller les pieds pour remettre l'esquif en bonne eau. Et si la barque est par trop prise, si d'autres doivent descendre après lui, il en nourrit sa petite vergogne. Un infime démérite tue. Rares sont les mots d'humeur, sans conséquence s'il en est. Mais ceux-là reviennent de préférence au barreur. Ingrate corvée, méchante place où l'on se sent comptable de l'ambiance, de l'heure. Le banc C est celui du décentrement. Le barreur a le corps anormalement placé. Il travaille de flanc, du même bras, même côté, les dorsales à la peine. L'énergie employée lui soulève la hanche en permanence. Il en éprouve des prémices de scoliose. Son corps est d'un rien désaxé, son œil aussi. Il veut bien faire, devancer les instructions venues de l'avant. Aussi, il cherche à voir, mais entre lui et l'obstacle se trouve le rameur, la vigie en alignement et le monceau de bagages ficelé au pont avant. Alors, il se penche d'un côté, de l'autre, en vain. Ses mouvements de bras sont contrariés, compensatoires, et perpétuels, ceux d'un levier de vitesse sur une route de montagne. Il ne cesse de gesticuler du coude, on dirait à lui seul un petit sémaphore. L'engagement physique à la poupe n'a rien à voir avec la force fournie par le rameur. On ne prête au barreur aucune capacité motrice, il freinerait plutôt avec sa pale traînant inutilement à l'eau, un peu de la lutte des classes à bord. Qui le voit de loin penserait qu'il est le mieux loti sur son siège, qu'il se repose sur sa barre, affalé à l'arrière. Pourtant, la vigueur requise par ce poste est brutale, faite d'à-coups, de ruptures. Une paire d'avirons cramponne mieux l'eau qu'une barre. Le fleuve ne perd aucune occasion de berner le gouvernail. Barré réclame une force effective, ravoir sans cesse les entorses de la Loire à coups de biceps, et une force d'inquiétude, toujours s'attendre à, en ne sachant à quoi. Ainsi, L'alignement vertébral du barreur est à l'épreuve, bloqué dans le même hémisphère, son esprit en alerte, bossu, besogneux à la traîne des circonstances. En moins de temps qu'il ne l'imaginait, il se met à briguer la place centrale, celle qu'il redoutait, le banc B. Banc B, le rameur. Le voici donc, le banc B, la guillotine, la place centrale quand revient son tour. Pour 60 minutes, le rameur va donner ses bras. Il ne fera que ça. Une heure de ration musculaire, épaules noueuses et échines raides. Les places sont changées et tout commence par un temps mort au cours duquel la barque va seule. Julien Gracq parle de vitesse lisse. On lui remet les clés. Elle fait ce qu'elle veut, où elle veut. Ce sont les plus belles secondes de Loire, tandis que le rameur se prépare. Boire une dernière gorgée, enfiler ses mitaines, caler ses pieds, revoir ses rames. L'une d'elles est légèrement plus courte et chacun a ses habitudes, ses fétichismes. Celui-ci préfère l'aviron le plus long à main droite, l'autre à main gauche. Toute une superstition du biceps. Si bien qu'à chaque rotation, tandis que la barque se récrée dans le courant, le nouveau venu inverse les instruments, s'étanche une dernière fois, reprend ses inscriptions sur le banc. On dirait des conducteurs qui se rendent le volant, ajustent le siège à leurs jambes, le dossier à leur dos, le rétroviseur à leur vue. La passation est brève, c'est un instant de beau silence entre nous trois. À relire le dernier jour d'un condamné, je découvre combien Victor Hugo s'attache à la sollicitude des appariteurs. Il y a loin de ce texte à une partie de campagne entre amis, et cependant à bord, toute mesure gardée, tant que durent les préparatifs, le barreur et la vigie ont pour le rameur une imbabilité, des diligences, mille prévenances. Ils sont aises de leur ticket particulier, du sort, de l'heure, ils voient se préparer l'acteur au banc central, plein d'égards pour ses premiers mouvements. Le quart débute, on voit faire au rameur les gestes auxquels il ne peut se soumettre. Les premiers coups de rame vasouillent d'abord, sans efficace, les pales pataugent, il faut retrouver la mémoire du geste, plusieurs coups à vide avant que ne revienne la juste synchronisation. Puis l'heure commence pour de bon. Celui du banc B n'en dit rien. Ce sont ses mains. Elle le quitte aux premières cadences, deux bestioles en fusion articulaire sur le cylindre. Elle préfère le bois à sa propre unité. Elle s'agrippe avec une force qui n'est pas la sienne. Pour une heure, les sensations palmaires n'ont plus cours au-delà du poignet, en rupture tactile. Les dames de nage sont deux bagues aux avirons. Elles se prêtent au mouvement de levier, pivotent, ne se lassent pas du retour, leur axe en jeun. À chaque ramée, toutes les 3 secondes, la même ampoule enfle sous les doigts, nourrit son pu. À chaque ramée, le bois des avirons s'entame, frotte à l'anneau des dames de nage, au même endroit, leur vernis s'en écaille. À vitesse de croisière, nous ne ramons pas pareil. Cela s'entend aux reprises. Nous avons chacun notre grincement, une musique par personne. Un couinement plaintif ou plus criard, c'est selon qui s'emploie. 3 cuicuis distincts, chacun le sien. Immédiatement, le barreur et la vigie redécouvrent la façon unique qu'a le rameur de souquer. Son style, sa signature, sa phraséologie fluviale, on la reconnaît à un certain rythme, au bruit que produisent les pales à chaque retour en surface, à chaque plongée. On la décèle à la modalité d'un geste ample, développé ou, au contraire, à une manière hargneuse, à une attaque bourrue. Durant l'heure, le barreur et la vigie sauront précisément à quel instant le rameur éprouve ses fatigues à part soi. D'abord, il change ses jambes, les place comme ci, comme ça, sur le fond de l'esquif. Puis, aucune position n'étant meilleure, il revient à la première. Trois amis en bateau, trois façons de placer ses pieds sur la carène. C'est important. On rame aussi avec ses pieds. Ils donnent un ancrage au remuement. Ils en sont l'assiette. 60 minutes entières à recompter ses doigts de pied. Le barreur et la vigie conçoivent l'effort du rameur parce qu'ils ont fait pareil une heure avant. Qu'eux aussi, à un moment, ont voulu revoir leur assise, changer de mode, chercher un moyen de canotage plus vigoureux, moins élongé, quand fatalement, ils retombent sur leur manière, leurs griffes, leurs tendances, leur tic physique inscrit à la Loire. L'allure de la barcasse, son tangage, son roulis, traduisent la méthode de celui qui l'a fait aller. Les autres voient vos façons, on ne se voit pas faire, on imagine que les acolytes repèrent vos manies, comme nous constatons les leurs. Au banc central, des choses sont bonnes, proches de la marche, des pas. Ramer, c'est penser, convertir en idée la gymnastique des bras, s'extraire de l'exercice par une songerie d'autant plus libre qu'elle se superpose à la répétition bornée du même mouvement. Marcher, ramer, c'est multiplier un oubli, sans jamais ressasser. À tout prendre, le banc du milieu a du bon. On y est dédouané de tout, de la parole des autres, des ordres, des anicroches, des distances, des troncs, des bancs, des îles aperçues, des escales annoncées. Quoi qu'il pesât, le temps s'allège, ils font. Les autres le surveillent à votre place, et sur ce point, on leur prête une loyauté indéfectible des minutes, l'honneur du cadran. Ils n'iraient pas vous rallonger une seconde, ni même en carotter. Le banc central est celui de la sieste active. Les injonctions du barreur et de la vigie vous passent au-dessus de la tête. Elles flottent. Leur chamaillerie ne vous concerne pas. Qu'importe un plot, une courbe, une pile, un obstacle, de toute façon, on ne le voit pas. On rame à l'envers quand les deux camarades s'agitent dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Le rameur se met entre parenthèses. Il est comme absent d'une navigation à laquelle, pour une heure, il prête sa force sans qu'aucune péripétie l'atteigne. Il ne voit pas ce que les autres voient, ou plutôt, il ne voit pas de la même façon ce que les autres ont vu avant lui. Aussi, bien avant de toucher un village, la vigie annonce un pont. Ce pont est longtemps commenté, mais il n'a pour Kisouk aucune existence, nulle vérité. Son approche est dénuée de distance. Il peut être à 100 mètres comme à 8 kilomètres. Lui, de son point de vue, est encore dans les arbres, dans le panorama d'avant, celui dont parlaient tant ses comparses. Il est tout entier dans la campagne avoisinante, quand les deux autres sont déjà à l'approche d'une bourgade. Quel peut être ce pont dont on parle dans son dos depuis bientôt 20 minutes ? Il devient une rumeur, il se conçoit, se dessine en diverses idées de construction. C'est un pot pourri de tous les ponts, quand rien n'existe à contre-vue. Le pont arrive aux autres. L'horizon est pour lui inversé. Or, semble-t-il, un point de repère aperçu par devant, mais un temps infini à approcher. On le voit monter, se jouer du paysage, de la perspective, de la progression, alors que, sitôt passé, cet élément disparaît bien plus vite, parce qu'il n'est plus un repère d'avancée, mais de recul. Le rameur le voit s'éteindre plutôt que grandir. Le pont n'advient pas. Il s'abolit. Ce pont qui fit tellement de bruit n'est que pont. La grande ferme annoncée n'est que ferme, et la vachette étendue sur la berge n'était qu'un ruminant de plus. Le rameur les regarde quand déjà ses deux acolytes s'exaspèrent l'œil sur un prochain repère. Dans leur bouche, le pont est remplacé par d'autres mots interchangeables. Clocher, village, voie ferrée, tandis que l'heureux pont s'éloigne à la vue, qu'après lui se rapproche l'unique promesse, la fin du quart. Chez Hugo, le condamné est bien le dernier à disposer d'une horloge, les autres en ont pour lui. En bateau sur la Loire, le rameur n'en a pas. Le régisseur des minutes scrupuleuses est précisément celui sur lequel va s'abattre le destin. Le banc B serait le plus enviable. On s'y trouve en irresponsabilité motrice, affranchie, en sa propre absence, c'est-à-dire en contemplation préférable. Le décor vous sourit à reculons, son défilement contient l'horaire. L'heure est avec vous, de votre côté. Elle fond, elle grandit pour les autres. Elle va se terminer. Mes bras vont s'arrêter quand le barreur et la vigie remâchent leur prochain tour de rôle, pour bientôt. Dans peu, à moi le banc A, son inconfort prisé. Et puis, le banc B est celui de la priorité camarade. J'ai soif. Immédiatement, les autres se mettent en quatre pour vous avancer la gourde. Ils lâchent tout pour vos moindres requêtes. N'importe s'il reste 15 ou 4 minutes à moudre le fleuve. Je vais rendre les avirons. Je le sens. À quoi le sait-on ? Deux indices probants. On a devant soi le barreur en plein visage, le prochain à la rame. Il a dans la prunelle un stoïcisme assez mal défini. Il garde l'œil sur la montre. Depuis quelque temps, il le fait plus souvent. Ce ne sont plus les minutes, mais la trotteuse qu'il examine. Sa face en est marie, torve du temps d'après. Ça se voit. Et puis, vers les derniers moments, avant la fin du temps réglementaire, peu avant son tour, le barreur s'allume une dernière cigarette. Le mégot diminue, aux dernières bouffées, tout va s'arrêter.